Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat comics. Alors aujourd'hui, je suis de nouveau avec Dorothy. Salut, et pour une fois, tu t'es pas trompé. Attends, alors si on compte la fois précédente et le lire en bulle, ça fait quand même deux fois, c'est la troisième fois que je me trompe pas. Il y a quand même un réel effort de ma part. C'est vrai, je suis fier de toi. Merci, merci. Alors c'est peut-être parce que sur son Skype, ton nom s'affiche, c'est plus facile. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, je crois que tu t'étais trompé, non? Ouais, je m'étais. Quand on s'était vu réellement, ouais, je m'étais trompé. J'avais repris mon petit kiff de Dorothée, on va dire. Et ouais, donc aujourd'hui, on n'est que deux. Donc, comme vous le savez, on va faire des news. On va parler news comics, manga et pop culture. Et je crois qu'on a quand même certaines choses à dire. On va pas trop s'ennuyer. Et sur ce, bon, on va peut-être commencer directement les news comics, t'en penses quoi ? Allez, c'est parti. Et nous voici déjà sur cette toute première partie du débat comics, les news comics. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Alors, je vais peut-être commencer la main, si tu me permets. Je t'en prie, vas-y. Baptiste, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur ce que nous a annoncé DC Comics, parce que on en a parlé un peu en mal au tout début avec sur le premier podcast, mais là ils ont fait une annonce énorme parce que c'est un event énorme sur deux mois pour démarrer 2021. Et ils ont décidé de recycler donc le projet de la cinquième génération qui était là pour mettre en place une toute nouvelle équipe. Mais finalement, ils ont décidé de récupérer le concept, mais sur deux mois. Et ça va être un énorme event. Oui, j'exagère un peu sur peut-être le énorme, mais... Ça fait beaucoup d'énormes d'affilée, je trouve, oui. Ouais, mais parce que je trouve ça très, très exagéré. Donc, petit résumé quand même. En décembre se termine enfin l'arc Dark Knight Death Metal qui se termine enfin, putain oui, qu'est-ce que c'était long et chiant, à moins qu'on est fan de DC qu'on a tout suivi depuis les années 30, sinon c'est assez compliqué à suivre. Donc en janvier 2021, DC Comics a décidé d'officialiser le Future State, qui est un énorme event qui sera sur deux mois, où le but du jeu c'est de se placer dans un futur plus ou moins lointain afin d'explorer un nouveau statu quo. Et après, en mars, ben, on reviendra avec les personnages classiques. Donc voilà, l'avantage de Future State, c'est qu'il va pouvoir y avoir une nouvelle génération de super-héros avec un Batman différent, une Wonder Woman différente, un Superman différent et compagnie. Donc il y a pas mal de choses à faire. Ils ont décidé de regrouper l'event sur trois groupes de super-héros comme ils en ont l'habitude, Batman, Superman et la Justice League. Voilà, je propose vite fait de dire ce qu'il va y avoir comme série. Donc il va y avoir Future State, The Next Batman, avec The Next Batman Outsider, Arkham Knight, Batgirls, Gotham City Sirens. Donc voilà, sur The Next Batman, on peut noter au dessin Laura Braga, que j'aime beaucoup. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, j'ai pu poster de temps en temps des dessins d'elle. Il va y avoir après The Future State, Dark Detective, Dark Detective, Grifters, Red Hood. Là encore une fois, on va avoir une scénariste assez bien connue qui est Dark Detective, qui est Mariko Tamaki, qu'on a pu voir dans le très pitoyable Supergirl Being Human, ou Being Super, je me souviens plus vraiment du titre, qui était une série qui voulait raconter les origin story de Supergirl en beaucoup moins dark, et ça a perdu de sa saveur. Et après, il va y avoir d'autres mini mensuels sur Batman, donc Batman, Superman, Catwoman, Harley Quinn, Nightwing et Robin Eternal. Sur ce groupe, on peut noter au dessin Nicolas Scott pour Nightwing, là aussi qui est une merveilleuse artiste. En ce qui concerne le groupe Superman, il va y avoir Future State, Superman of Metropolis, avec Superman of Metropolis, Guardian, Mr. Miracle. Il va y avoir Future State, Superman, Worlds of War, donc avec la série Worlds of War, Midnighter, Black Racer, il va y avoir Immortal Wonder Woman, avec Immortal Wonder Woman et Nubia. Il va y avoir les mini-séries House of L, Kara Zor-El, Superwoman, Legion of Super Heroes, Superman Wonder Woman, Superman versus Imperius Lex et Wonder Woman. Alors là, au niveau de l'équipe créative, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui m'ont sauté aux yeux, à part peut-être pour si, Legion of Super Heroes, il va y avoir Bendis au scénario, Marguerite Bennett et Marguerite Sauvage sur Kara Zor-El, Superwoman, et il va y avoir également Joel Jones sur Wonder Woman. Donc ouais, ça m'a peut-être un peu sauté aux yeux, et maintenant que je suis en train de relire ça, je me dis que je vais peut-être me les commander. Et en ce qui concerne les séries qui va se tourner autour de la Justice League, il va y avoir Future States, Justice League Dark, Green Lantern avec Last Lantern, Tales of the Green Lantern, Suicide Squad, Black Adam, Aquaman, The Flash, Titans, Shazam, Swamp Thing. Et au niveau des groupes, des dessinateurs ou des scénaristes, non, là il n'y a pas vraiment grand monde qui m'emballe. Donc voilà. Donc tout ça se veut intéressant pour relancer un nouveau public. Et voilà. Alors la chose qui est par contre qui est assez intéressant, ils ont décidé d'écarter les gros noms de DC Comics comme Scott Snyder, Tom King ou Geoff Johns. Quant à Bendis, il est cantonné qu'un seul numéro, donc voilà. Ça va, t'es toujours vivant après cette news? Ouais, c'était pas mal d'informations à comprendre, vu que je suis très en retard aussi en comics, donc j'essaie à peu près de capter tout ce que j'ai pu. Mais ouais, ça fait beaucoup de choses, là. Alors, je vais le résumer en une phrase. Très bien, ce sera plus simple pour tout le monde. Gros event. Avec des nouveaux personnages pour attirer un nouveau lectorat et pour terminer sur un statu quo. Bref, rien ne change chez DC dans le monde des comics. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que tu comprends mieux maintenant? Ouais, je vois bien, ouais. Bon, mais à voir, il faudra voir ce que les tomes qui proposent. Ça peut y avoir qu'il y aura du bon. Alors, à savoir que les tomes seront des oversize, donc ils ne feront pas 44 pages, mais un peu plus. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. Les mini-séries doivent se suffire en elles-mêmes. En ce qui concerne The Future State pour le groupe Batman, donc il y aura donc le premier Batman noir qui sera sous le costume, ce sera Luke Fox. Apparemment The Dark Detective semble mettre en avant Bruce Wayne, qui va pas revenir en tant que Batman mais en tant que Dark Detective. Pour Superman, grosso modo, il va y avoir un Superman off Metropolis qui sera joué par le fils de Clark Kent, donc John Kent, et pendant ce temps Clark Kent, lui, a été viré de la planète Terre après son implication sur la crise, à mon avis, de métal, et il va poursuivre sa carrière de super-héros dans l'espace. Et Kara Zor-El, qui est donc à la base Supergirl, est rebaptisée Superwoman. D'accord, c'est un peu plus clair. Et en ce qui concerne la Suicide Squad, à savoir donc Amanda Waller, qui est la directrice de la Suicide Squad, a décidé de recruter des super vilains qui se trouvent dans la Terre numéro 3, ou en fait dans Earth 3, tous les héros sont des vilains et inversement. Donc ouais, ça risque de saigner un peu. Il y a des choses intéressantes. Ça, tu piques ma curiosité. Ah, ben voilà, tu vois, j'arrive quand même à dire des choses assez intéressantes. Donc voilà. Après, forcément, s'il y a un gros succès autour du DC Future State, on peut s'attendre à ce que la ligne éditoriale de DC Comics change et pensera peut-être à mettre plus en avant cette fameuse 5G. D'accord, ok. Allez, ben écoute, vas-y pour ta news. Moi, par contre, on va passer chez Marvel et avec Disney+. Le 20 novembre 2020, nous allons pouvoir retrouver la série documentaire Marvel 616. Donc, ça sera une série de 8 épisodes d'à peu près 1 heure qui nous racontera l'histoire de 8 réalisateurs. Donc, aussi bien, ça va être du comics, de la création de personnages, comment ils ont pu faire, comment ils veulent faire revenir certains personnages à l'écran. Des petites choses comme ça qui me permettent d'en apprendre un peu plus sur l'envers du décor, aussi bien dans les séries que dans les films ou même dans les, surtout dans les comics papier. On pourra voir des dessinateurs et des interviews de dessinateurs étrangers. Est-ce que c'est le genre de série qui te plaît, toi qui aimes beaucoup les comics, Geoffrey ? Alors, honnêtement, chez Disney+, j'attendais plutôt à Captain the Falcon and the Winter Soldier qui m'a hypé un peu plus. Mais Marvel 616 reste quand même très intéressant. Je ne sais pas s'ils vont le mettre dans la catégorie Marvel ou dans la catégorie National Geographic. Mais ouais, non, je ne suis pas hypé pour ça. Ça ne va pas me transcender, mais je la regarderai par curiosité avec grand plaisir. Ben moi aussi, c'est une série que je pense que je... Pareil, alors, elle ne me hype pas plus que ça, mais c'est plus le côté curieux que j'ai envie de découvrir. Voir alors, comme je dis, l'envers du décor, quoi. Ça peut être intéressant, surtout que chaque épisode abordera un thème différent. Donc c'est tout ça qui peut être intéressant. Et ouais, non, t'as raison, là-dessus, ça va être les thèmes qui vont transcender la chose, à mon avis, plus qu'autre chose. Plus, ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, bon, là, je peux voir un peu l'épisode 4, ce sera mettre en lumière des héros oubliés présents dans le comics Marvel. L'épisode 2, ça sera rendre hommage aux pionniers de Marvel Comics et leur implication dans la création d'histoires de super-héros et la diversité des héros. Donc ça peut être très intéressant à découvrir. C'est sûr. Moi, je vais rester sur Marvel parce que je vais vous parler de Marvel Unlimited, qui est la plateforme de lecture en ligne de chez Marvel. Donc voilà, c'est une plateforme qui est assez vieille parce qu'elle date déjà du 13 novembre 2007 et donc c'est une filiale forcément à Marvel et voilà, elle a comme société sœur Marvel Comics. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Vous êtes sûrement en train de vous poser la question. Et bien tout simplement, on peut payer un abonnement un peu à la Netflix et on a accès à tout le catalogue Marvel, quasiment pas forcément intégralité, mais presque quand même. Il y a de quoi lire. Je crois qu'il y a plus de 200 000 titres. Ah oui, 200 000 chapitres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort. Et la vraie news dans tout cela, parce que Marvel Unlimited existe depuis un petit moment, c'est qu'au lieu d'avoir les comics qui vont avoir 6 mois de décalage, on va passer à 3 mois de décalage. Donc ça va devenir plus intéressant à acheter prendre l'abonnement. Que d'attendre la sortie du TPB, qui est le Track Pack Paper, qui est en fait le tome relié. Donc voilà, parce que à chaque fois, généralement, quand il y avait les 6 chapitres, le TPB sortait quasiment au même moment aux États-Unis. Maintenant, ce ne sera plus le cas, vu qu'il va y avoir que 3 mois de décalage. Donc voilà, c'est une manière comme une autre pour Marvel d'insister les gens de lire et de se mettre sur la plateforme qui est pas mal, qui est bien intuitive, qui te propose des runs, des thèmes également. Donc voilà, ça ne coûte que 11 euros par mois. Donc ça peut paraître cher, mais finalement on y va, on la quitte, on y retourne, on la requitte. C'est comme Netflix en fait, on peut avoir une grosse période de lecture, on va faire que ça, ou on va big reader au lieu de big watcher. pas si ça se dit, mais ça passe. Je sais pas, je viens de l'inventer, d'accord. Et si tu veux, quand tu auras plus envie de lire, tu peux bien arrêter l'abonnement pour reprendre après. Donc voilà. Qu'est-ce que tu trouves de cette news et est-ce que tu vas peut-être t'installer cette application pour lire sur tablette? Je ne connaissais pas l'application, pour te mentir. Je lis très peu de choses en dématérialisé. Je suis un grand adepte du papier, vraiment. Même les mangas, j'ai une collection colossale de mangas, t'as pu l'avoir, Geoffrey. Mais ouais, non, moi, pour moi, le dématérialisé, j'y arrive pas. J'ai essayé plusieurs fois. Sans doute, la plateforme est très bien, très intuitive. Même le prix est attractif, parce que tu regardes, au final, tu lis un comics, l'équivalent d'un comics, t'as rentabilisé. Mais pas pour moi. Je suis pas du tout fan du dématérialisé. Il faudrait que j'essaie sur tablette, parce que j'ai toujours lu sur téléphone. Mais j'ai vraiment du mal. Écoute, la prochaine fois que tu passes à la maison, je te montrerai ce que ça donne sur tablette. Alors, là, on va rentrer dans les conseils high-tech. Il n'y a pas forcément besoin de s'acheter un iPad ou une vraie tablette, une mini-tablette, comme les petites Galaxy Tab peuvent suffire, parce que ça sera quasiment la même taille qu'un manga ou d'un comics, et ça permet d'être léger également, facilement transportable et de ne pas trop perdre. Donc voilà, si je conseille à lire sur tablette, ça sera plutôt sur ce style de donc les mini Galaxy Tab ou les Apple les iPad mini qui suffisent amplement et pas besoin d'acheter trop gros pour lire ce genre de choses. Après, oui. Ouais. C'est vrai que le côté pratique quand même est intéressant, parce que moi je pars quand même pas mal en voyage. À chaque fois, c'est la galère pour faire de la place dans les livres, dans le sac et tout. À chaque fois, je prends plus de livres que de fringues et ma copine a gueule, quoi. Mais c'est vrai que c'est le côté pratique, j'y avais pas pensé. Donc, tu vois que je pense que si à des moments, je me tape des sessions de voyage ou quoi, ou pas mal de. Plutôt que prendre plusieurs livres ou des romans, peut-être que je testerai à des moments comme ça, les applications de démat. Alors, je vais encore une fois raconter ma vie. Normalement, j'avais comme projet de partir au Japon en 2021, mais bon, avec le Covid. On va attendre 2022, et c'est pour ça que j'avais acheté la tablette, parce que tu as des applications donc comme Marvel Unlimited qui te permet de télécharger 12 chapitres pour le lire en ligne, qui est quand même assez sympathique. Mm-hmm. Tu as également Isneo, qui est une application où tu peux retrouver des BD franco-belges, des mangas et des merdes et des comics, où ils te proposent pas mal de tomes gratuits. Okay. Et si tu veux, je me suis fait une petite, pas mal de grosses sessions de téléchargement pour pouvoir les avoir et pour pouvoir les lire en ligne, et c'est assez sympathique. Et pour les séries qu'on n'arrive plus à trouver, le démat, ça sert quand même pas mal. Parce que, ouais, c'est que j'y ai pas pensé pour ce côté-là. Il y a des mangas que je galère à trouver des fois, en parlant de mangas. Mais ouais, du coup, tu vois, j'y ai pas pensé pour les lire en dématérialisé, plutôt que de galérer à les trouver à des prix convenables, va-t-on dire. Voilà, c'est ça. Alors, ce que je te propose, c'est que quand tu passeras à la maison pour me ramener les engolmes, je te montrerai ce que ça donne et je te laisse pour ta dernière news. Ok. Moi, ce sera une petite news, toujours chez Marvel. C'est pour dire qu'on pouvait commencer à précommander les WandaVision Funko Pop, donc les figurines pop à l'effigie de la série WandaVision. Donc, les pop seront disponibles à partir de janvier 2021. Il y aura 5 pop. Donc, il y en aura 2 en noir et blanc et 3 en couleur. Bon, ça, on s'en fout un peu des pop. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu as vu, Geoffrey, c'est que pour la pop Wanda 1970, on peut voir qu'elle est enceinte. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un gros spoil, encore une fois, de la part de Funko? Alors, c'est moche ce que je vais dire, parce que ce n'est pas forcément toujours à cause de Funko. De temps en temps, c'est la faute de Lego. Oui. Du coup, je te laisse raconter le spoil ou tu laisses les gens découvrir ceux qui veulent mater la série ou... Non, alors, ouais, non, de toute manière, avec les annonces de casting, on pouvait fortement se douter qu'on verrait les enfants de Wanda et de Vision. Mais voilà, si vous voulez, c'est confirmé par la pop. On va bien voir, donc... les enfants de Wanda et de Vision, donc voilà, je trouve ça alors bon, les annonces de casting mettaient le doute, Mais je trouve ça dommage qu'on nous fasse chier avec, encore une fois, des pop où en fait on voit que ça nous spoile légèrement la série. Donc pour information, les enfants s'appellent Wiccan et Speed. Wiccan qui a des pouvoirs de sorcellerie comme sa, la mère, Speed qui a des pouvoirs de rapidité ben comme son oncle. Donc ouais, je trouve ça, ouais, non, je trouve ça dommage, quoi. Surtout que Funko a tellement une réputation parce qu'il y a une pop mania, mais ça aussi je ne m'explique pas vraiment les pop mania qu'en fait ils pourraient très bien mettre une image en gris avec un point d'interrogation que ça marcherait peut-être mieux que de montrer la pop et de spoiler, quoi. Je sais pas, ça me gave. Ouais, je comprends tout à fait. Moi, ça me fait un peu chier quand on me spoil un film ou une série que j'attends à cause d'un jouet, enfin un jouet ou une figurine, un truc comme ça, quoi. Funko, c'est des jouets, hein, les pop. Oui, voilà, mais c'est pour ça que je préfère dire les deux termes, qu'on soit d'accord. Bon, après, on va arrêter de parler de pop comme des jouets parce qu'on va se faire fracasser par Internet. C'est Et ça. ben, écoute, sur ce, je te propose qu'on passe directement au niveau des mangas. Et nous voici dans la deuxième partie de cette émission où on va parler de manga. Eh bien, écoute, j'ai commencé les news comics. Je te laisse commencer les news manga. Ok, merci Geoffrey. En parlant de ça, justement, lors du dernier épisode, nous avons parlé du manga. Enfin, tu avais parlé du manga, moi aussi. Et il faut savoir qu'à l'occasion de la sortie du tome 2, Akata donc, propose un partenariat avec Solidarité Femmes. Ça signifie que jusqu'au 30 avril 2021, pour chaque exemplaire du tome 2 vendu, ils répartiront 5% des recettes à cette association. Donc c'est une association qui lutte pour le droit des femmes dans le travail et dans la vie quotidienne. Et donc c'est le thème du manga aussi que nous avait présenté Jeffrey. Je trouve que ça c'est plutôt sympa comme partenariat. Qu'est-ce que t'en penses, Jeffrey? Alors, bon, on l'avait pas présenté, mais on l'avait juste évoqué rapidement de mémoire, mais bon, c'est pas un problème. Et Akata adore faire ce genre de choses, et c'est vraiment une maison d'édition qui est très remarquable pour ça et que j'apprécie énormément. Déjà pour Running Girl, donc qui était le manga qui parlait d'handisport. On pouvait voir que 5% du premier tome était reversé pour Handisport France. Et c'était quelque chose qui était quand même très sympathique. Et là, il réitère. Et non, j'adore ce genre de choses. Ben, moi aussi, j'apprécie beaucoup. Ça montre aussi que les lecteurs sont engagés. Parce que je pense que les personnes qui connaissent pas le manga, mais qui connaissent l'association, ben, peuvent se pencher aussi sur ce manga et découvrir des choses. Donc, je pense que ça marche aussi dans les deux sens. C'est intéressant. Ouais, alors là, je Voilà, suis donc. pas forcément totalement d'accord avec toi, mais une chose est sûre, c'est que, alors, je pense pas que ça soit les lecteurs qui s'engagent dans ces cas-là, c'est plutôt le comment ça s'appelle? L'éditeur? L'éditeur qui s'engage, et ça c'est admirable de la part d'un éditeur de s'engager, c'est ce qu'on aimerait avoir, c'est ce qu'on aimerait voir le plus souvent possible. Et après, c'est pas sûr que les membres de l'association se disent, tiens, c'est sponsorisé, on va le lire. Ça, je l'ai connu dans le cadre un peu plus privé, on va dire, où ben, pour Running Girl, une association que je connaissais de nom et de loin, ne s'était pas forcément plus engagée pour enfin, n'avait pas forcément acheté le manga et n'en avait pas forcément fait la pub. D'accord. Je veux dire, bon, moi, j'aurais pensé justement que ça aurait pu servir. Ça permet aussi de mettre en avant un manga, justement, où tu vois sur le manga que c'est en association avec Solidarité Femmes, des personnes qui sont sensibles à ce sujet, et peut-être plus amenées à le lire. Mais après, Ah c'est oui. peut-être mon avis personnel. C'est après, c'est. Ah non, mais théoriquement, tu as totalement raison avec ça. Hein. Oula, attention, hein, je ne me remets pas en doute, mais voilà. Ça dépend, on va dire, des infrastructures régionales ou départementales. Voilà, c'est uniquement pour le tome 2, du coup, jusqu'au 30 avril 2021. Donc, si vous voulez faire cette collection, essayez de la faire avant cette date pour que, justement, l'association ait un maximum d'argent. Et pour compléter ton information, moi aussi, étant deux tomes, donc vous pouvez faire une pierre deux coups, acheter le premier et le deuxième, et ça va vous coûter 13 € pour les deux tomes, grosso modo, et ça vous fera une bonne action. Voilà. Et du coup, moi, je vais vous parler d'un film qui est sorti au Japon et d'un film qui a bien fonctionné. Je vais vous parler du film de Kimetsu no Yaiba, donc qui est Demon Slayer, qui est sorti au Japon. Donc, il est sorti, que je vous dise pas de bêtises, courant octobre. J'ai plus la date exacte. Ah, si, qui est sorti le 16 octobre. Et donc, durant son premier week-end, parce qu'à savoir que les sorties nationales dans la plupart des pays, dans le Japon, les sorties cinéma se font le vendredi, et donc on n'étudie pas le jour du mercredi, on étudie le week-end complet, et ils ont déjà rapporté énormément de pognon. C'est simple, Kimetsu no Yaiba a amené au salle de cinéma 3 424 930 personnes, parce qu'il y a eu 930 tickets qui est de vendus, ce qui a rapporté 4 623 117 450 yens, ce qui donne l'équivalent d'environ de 37,65 millions d'euros seulement en 3 jours. À savoir que pour le premier jour, il s'est vendu 910 507 tickets, ce qui donne ce qui fait que c'est le film ayant vendu le plus de tickets durant une journée d'ouverture dans toute l'histoire du Japon. Donc c'est quand même assez historique. À savoir, pour comparer un peu les choses, pour Your Name, pour les trois premiers jours, donc pour le premier week-end, ils ont remporté que 1 277 960 000 yens, soit environ 10,26 millions d'euros. Donc Kimetsu no Yaiba a quand même fait trois fois ce chiffre-là, donc c'est quand même assez énorme. Et il n'y a toujours pas de date pour la France. Donc, par contre, dès qu'il y a une date, on se capte, Geoffrey. C'est pas trop loin, on y va, hein, ensemble, comme pour My Hero Academia. Oui, oui, comme Violet Evergarden. Tout à fait, que j'ai toujours pas rattrapé. Et c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà. Alors, quoi, on parle. Bon, c'est une news de chiffres, hein, mais quel effet ça te fait? Bah, c'est impressionnant, franchement. Enfin, impressionnant pour un film japonais qui fasse autant d'entrées au cinéma. Enfin, je savais que Demon Slayer c'était vraiment dans la hype depuis, ouais, j'aurais bien dit maintenant un an, je pense, au Japon, peut-être un peu plus. Ouais. Je suis pas très calé en date, mais c'est vrai que c'est impressionnant par rapport à Your Name, qui est à mon goût, je pense le film le plus connu récemment du Japon, on va dire, un film d'animation, bien sûr, je te parle. Enfin, je connais plein de gens de mon entourage qui ne lisent pas de manga, qui ont vu ce film au cinéma, quoi. Donc, je pense que le film s'il arrive en France, il peut avoir quand même un sacré succès, mais peut-être moins accessible que Your Name. Alors, moins accessible que Your Name, mais quand même beaucoup plus accessible pour les fans de manga. Oui. Donc voilà. Après, c'est le film de Kimetsu no Yaiba reprend l'arc du train. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est cet arc qui m'a fait vraiment apprécier Demon Slayer. Parce qu'au début, quand j'ai lu Demon Slayer, je trouvais ça moyen. Il faut dire ce qu'il est, je trouvais ça moyen bof. En disant, je ne comprends pas la hype qu'il y a autour de ce manga. Mais dès que j'ai lu cet arc de folie, j'ai kiffé à mort. C'est vraiment là où j'ai appris à aimer Demon Slayer. Et moi, pareil, j'ai appris à l'aimer avec cet arc-là, parce que j'avais acheté. Enfin, on m'avait offert les premiers tomes juste avant l'arc du train. Je l'avais lu, j'avais bien aimé. C'est pareil que toi, j'avais pas compris la hype qu'il y avait autour du manga. Mais c'est vraiment en lisant cet arc que j'ai un peu plus compris pourquoi ça avait marché autant au Japon, quoi. Donc voilà. Pour rappel, Kimetsu no Yaiba, donc qui est tiré d'un manga, hein, comme on l'a dit, mais c'est surtout un manga qui est fini, qui va faire une vingtaine de tomes et c'est publié chez Panini Manga. Je te laisse ta deuxième news. Moi, ce serait une petite news plus pour la sortie du coffret de One Punch Man, la saison 2. Donc, il coûtera 50€ en DVD et 60€ en Blu-ray, toujours doublé par Orelsan. Du coup, dedans, nous avons un coffret avec des livrets et des affiches, comme pour le premier coffret qu'ils avaient fait pour la première saison. Un coffret très sympathique, même si la saison 2, pour moi, n'est pas aussi belle que la 1 et aussi bien. Je ne sais pas si tu as lu ou regardé One Punch Man, Jeffrey. Alors, j'ai essayé de lire. Enfin, j'ai pas essayé de lire. J'ai essayé de regarder la première saison, en me disant ouais, je m'entends parler partout, ça a l'air, c'est génial et compagnie. En fait, j'ai pas compris la hype. Et je trouve ça moyen bof. Et là, je trouve c'est encore plus moyen bof. Donc. Ah, moi j'aime bien justement. Je trouve que au début quand j'ai commencé à lire, je trouve ça moyen bof aussi. Pareil, j'étais en mode c'est cool, mais bon, un personnage qui est craqué dès le début, il n'y a aucune évolution de personnage, je trouve ça pas très intéressant. Mais c'est tout ce qui se passe autour et l'évolution des personnages alliés et ennemis qui est intéressant, je trouve. Et surtout, ces dessins pour le manga papier de Murata qui sont juste magnifiques. Eh bien écoute, je te fais confiance. Franchement, si tu les as pas lus, enfin... Si t'as pas réalisé jusqu'au bout, je te les prêterai à l'occasion. Mais ils sont vraiment, enfin, les dessins sont vraiment prenants et toute l'histoire qu'il y a autour des autres personnages en dehors de Saitama est vraiment, vraiment intéressant de voir comment ils évoluent, comment ils se font exploser ou comment ils essayent d'exploser les monstres qui veulent les buter, quoi. Attends, tu veux dire que tu as les tomes papier, c'est ça ? Oui, les tomes papier, oui. Écoute, dans ces cas-là. Je ferai peut-être l'effort de te les piquer, mais voilà, c'est vraiment parce que tu les as en papier et que je ne devrais pas me les taper en animé. en animé en fait. Voilà, en animé, oui. Oui, c'est vrai. Mais je peux comprendre aussi, parce que je trouve que même si l'animé rend quand même bien hommage au manga, les dessins sont, bah, si t'as aimé, je sais pas si t'avais lu Eichil 21, j'ai fait une vidéo dessus, bah, tu as vu les dessins, ils sont magnifiques et c'est ce qu'on retrouve dans One Punch Man, quoi. Les phases de combat, tu sens la puissance des coups, tu sens vraiment le mouvement des personnages sur deux ou trois pages, c'est vraiment ouf. Je te les passerai, tu verras et tu me diras. Ouais, je pense que je resterai mon lecture. Écoute, alors moi je vais vous parler de la reine d'Égypte parce que la mangaka Chie Inudo a annoncé sur Twitter que le 9e tome sera le dernier. Et c'était une série que j'ai aimé beaucoup. C'est quasiment une des séries qui m'a pas fait découvrir Kayoun, mais qui m'a fait plonger dans Kayoun. Et voilà, donc le 8e tome sortira bientôt, est prévu pour 2021, donc je pense début 2021, et puis voilà. Alors, le synopsis de la Reine d'Égypte, vite fait quand même, pour que vous soyez au courant, Hatshepsut, ou le combat d'une reine au temps des pharaons. C'est le début d'une nouvelle ère dans l'Égypte des pharaons. Le mariage de la jeune Hatshepsut et son demi-frère Séti fait de ce dernier l'héritier légitime du trône, sous le nom de Thoutmôtse II. Représentant des dieux sur terre, ils resplendissent sous leur parure et forment à la première vue un couple parfait. Mais sous ses airs d'épouse idéale, Hatshepsut cache une colère profonde. Elle ne veut pas être simple reine, mais plutôt devenir pharaon elle-même. Comme l'était son guerrier de père. Enfant, elle a cessé d'humilier Séti au combat à l'épée et elle est imbattable au tir à l'arc. Pourquoi ne serait-elle pas digne d'accéder au rang suprême juste parce qu'elle est née femme ? Pour Hatshepsut, c'est le début d'un combat pour s'affranchir des conventions ancestrales d'une des plus grandes civilisations du monde. Et c'est tiré d'une véritable histoire vraie. Donc voilà, c'est assez bien documenté, malgré que les fans purs, hardcore de l'Égypte trouvera quelque chose à redire. Et si j'ai vu en commentaire sur quelques sites, dont Naughty John, qu'il y en avait pas mal qui étaient dégoûtés de cette fin, je suis assez satisfait parce qu'encore une fois, on arrive sur un manga qui est assez court, 9 tomes. Et vu que c'est un manga qui se veut raconter l'histoire de quelqu'un, je préfère que l'histoire soit bien écrite qu'en fait qu'on en fasse une tonne et que ça perde de toute sa valeur. On en avait parlé hors micro. On en avait parlé, oui, effectivement, en micro. Je ne l'ai toujours pas lu, mais c'est un manga qui me tente énormément. Surtout pour le côté historique, et c'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup. L'histoire de l'Égypte, les pharaons, les mythologies égyptiennes. Chose que j'aime énormément. Donc je pense que quand les 9 tomes seront sortis, je pense que je me les prendrai. Alors là, on est déjà à 7 tomes en France, le 8e début 2021, et donc suivant mon avis, on aura le tome numéro 9. La mangaka n'est pas pressée, et elle n'est pas pressée à tout sortir d'un coup, et il y en aura pour un total de 72-73 € pour les 9 tomes. Donc c'est accessible, et wow, les graphiquement... Ouais, ça veut dire que les graphiquement sont très beaux, je sais que même le... J'aime le visuel des mangas est très très beau. Un peu glacé, je crois, dans la couverture, non ? Ouais. Un peu glacé, un peu en relief. Donc ouais, je suis triste, mais heureux de cette nouvelle. Et ben, écoute, je pense que sur ce, on va attaquer les news un peu de pop culture. Allez, c'est parti. Et nous voilà pour la toute dernière partie de cette émission, là où on s'amuse le plus à trouver des news le plus facilement et le plus rapidement, où à chaque fois Dorothy, le jour de l'émission, me dit « Tiens, j'ai 10 000 news de pop, on va parler de pop culture ». Je te propose que je prenne la main, vu que je t'ai laissé la main. Chacun son tour, hein. T'as commencé, tu me l'as donné, je te la rends. Eh bien, écoutez, je vais commencer par une bien triste nouvelle. L'annonce par le groupe M6 et par Alexandre Astier du report de Kaamelott. Donc, Alexandre Astier a tweeté il y a quelques jours « Je suis bien triste de vous annoncer que le Kaamelott KV1, donc Kaamelott, ne sortira pas le 25 novembre. J'étais impatient de vous le montrer. Je vais trépigner encore un peu. » De l'autre côté, SND, donc qui est un groupe de production qui appartient au groupe M6, a fait un léger communiqué. Au vu de l'évolution de la situation sanitaire et des nouvelles mesures gouvernementales, la sortie du film Kaamelott, premier volet réalisé par Alexandre Astier, est repoussée. Alexandre Astier et SND restent résolus à présenter ce film au public dans les meilleures conditions dans les salles de cinéma. Alors, un petit avis sur cette news triste avant que je développe un peu plus. Ouais, enfin moi ça me fait un peu chier parce que ça fait un bon moment que je suis pas allé au cinéma et Kaamelott sortait vraiment l'occasion d'aller voir un très bon film au cinéma qui m'a rappelé plein de souvenirs par rapport à mon enfance. J'ai grandi avec Kaamelott, ça me rappelle énormément de choses. Donc ça me fait un peu chier qu'il soit décalé et honnêtement je peut comprendre avec le couvre-feu qu'on a eu récemment, s'il est prolongé ou quoi, si le film était sorti au cinéma, là, j'avais bien peur qu'il marche pas comme il aurait dû marcher. Et alors, ouais. Exactement, tu fais bien de le dire, parce que j'ai lu des articles sur le sujet quand j'ai travaillé ce sujet-là, où apparemment, donc déjà, c'est un film qui a un budget estimé à 15 millions d'euros, donc c'est quand même une grosse production pour un film français. Et il voulait en fait le faire un peu comme le Tenet à la française, c'est-à-dire le laisser sur plusieurs semaines ou plusieurs mois au cinéma. Et pour ça, il fallait que le film soit vu par le plus de personnes possible et sans trop de problèmes. Le souci, c'est que avec le couvre-feu, et vu que Kaamelott a énormément de fans sur Internet, ils avaient peur qu'il y ait un effet de spoil. Et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'annuler la sortie et de même pas proposer une date. Quoi. On est dans le flou artistique. Donc voilà. Et c'est pour éviter qu'il y ait un avantage sur les personnes qui sont en couvre-feu, les personnes qui ne sont pas sous couvre-feu. Oui, c'est sûr. C'est un choix que je peux. Franchement, je le comprends parce que. Ça fait, je pense que s'il avait sorti pendant une période où il y avait le couvre-feu ou quelque chose de ce style, bah, il n'aurait pas marché correctement. Voir un film et être rentré avant 21h, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent y aller. Quoi. Mais c'est surtout que ça bloque surtout les sorties, parce qu'en France, les sorties, c'est merde. C'est mercredi. Ça a été comme le Japon ou aux États-Unis le vendredi ou le samedi. Ça s'est décalé tout ça et ça aurait été plus intéressant pour les gens pour aller le voir. Mais là, ça coince pas mal. Et par contre, bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, il n'est pas prévu pour sortir sur Salto. Sur Salto ? Ah, qu'est-ce que c'est Salto ? Qu'est-ce que c'est que Salto ? Pour moi, c'est une figure gymnastique et à part ça, je ne vois pas. Voilà. Alors, est-ce que tu te souviens du projet d'il y a quelques années du Netflix à la française ? Ça me parle, j'en ai entendu parler, mais pas plus que ça, quoi. D'accord. Alors, ce projet a réussi à se concrétiser. D'accord. Et cela s'appelle Salto. Ok, je ne savais pas. Donc voilà, donc ça aurait pu faire un film exclusif Salto, et ben non, ça ne le fera pas. Donc Salto, c'est toutes les chaînes françaises, hein, donc TF1, France 2, France 3, France 5, M6, W9, TMC, TFX, France 4, Gulli, TF1 Série Film, Sister, LCI, France Info, TV Brez, TVA, Paris Première, Ushuaïa TV et Histoire TV qui se réunissent pour sortir Netflix à la française, où on peut regarder plus de 10 000 heures de films, de séries, de documentaires et de programmes jeunesse en streaming. Et on peut retrouver également des programmes TV en direct, en replay et en avant-première ou en saison intégrale. Donc il va y avoir des films américains, des films français, des films trucs mûches, etc., etc. Et c'est à partir de 6,99€ pour un abonnement en solo, 9,99€ pour deux utilisateurs, 12,99€ pour quatre utilisateurs. Et à savoir qu'il y a un mois d'essai gratuit. D'accord, je ne connaissais pas du tout. Eh bien écoute, je savais que c'était prévu, mais je ne savais pas si c'était sorti. Et en fait, il s'est sorti. Donc voilà, c'est bon. C'est bon pour ma news qui était assez grosse finalement. Moi, ça serait une petite news pour faire une petite transition là. C'est pour dire que du coup, dans les jours les jours précédents, on a pu avoir l'annonce de la saison 9 de Dexter. Oui. Donc, j'allais dire une série qu'on a dit que tu connais. Oui. Moi, je connais de nom. J'ai vu quelques épisodes parce que quand c'est sorti, j'étais pas très vieux, donc mes parents me laissaient pas regarder ça. Et il faudra savoir que cette série ne sera pas considérée comme une saison 9, mais plutôt une saison 8 bis qui permettra de corriger les erreurs et la fin très critiquée de la saison 8 de Dexter. Et ça sera en 10 épisodes prévus pour 2021 sur Showtime. Donc j'imagine que c'est une série que tu as vue. Oui. Qui est finie. Oui. Et tu as été déçu. Oui. Non. Alors j'ai lu une interview de. Du producteur, donc le showrunner qui va faire la saison 9 de Dexter, c'est celui-là qui avait fait les 4 premières saisons de Dexter qui étaient les plus intenses et les plus intéressantes. Et il a très bien dit que le but du jeu de cette saison 9 n'était pas d'éclipser ce qui avait été fait durant la saison 8 et qui ne va pas annuler la saison 8. Ce qui s'est passé dans la saison 8 restera et en fait on va retrouver Dexter après la saison 8. Donc ça reste quand même une saison 9, mais qui nous présentera à mon avis une fin un peu plus intéressante que la saison 8. Et mais Michael Cimino, quel acteur, je l'avais vu dans The Crown dans le rôle de Kennedy dernièrement, mais j'adore cet acteur, il me tarde. Allô? Oui, non. Je pensais que c'était toi qui avais bugué. Non, tu as dit il me tarde, et je pensais que tu allais continuer après la phrase. Je pensais que ça avait coupé. Il y a trois petits points. Il me tarde, trois petits points. Mais moi, c'est une série que j'ai pas pu regarder parce que quand elle a commencé à sortir, je suis un peu genou. Donc, mes parents ne me laissaient pas regarder. Mais je pense que la saison 9, je me serrais de peut-être pas tout mater ou mater en accéléré, on va dire. Mais je pense que c'est une série qui peut me rappeler quelques souvenirs quand j'étais jeune, que j'aurais maté un petit peu en caché la série, tout ça. Donc, je pense que je vais essayer de me les refaire avant la saison 9. Alors, c'est bravo. Déjà, félicitations de regarder des séries en cachette comme ça. Bien, ne faites pas ça chez vous, si vous êtes des enfants et que vous nous écoutez. Si, faites ça. Moi, mes meilleurs souvenirs, c'était X-Files, quand j'ai regardé ça en secret, quand j'étais à l'époque, en CP, pendant l'époque où la France n'avait pas encore une Coupe du Monde à l'heure active au football, et que je me servais du mire, enfin, je me servais de. J'avais mon oncle qui était dans la chambre où je dormais, où il avait son PC et la télé, je me servais du cadre de photos de ma mère pour. Capter les images de la télé pour pouvoir regarder X-Files, qui me foutait les jetons, mais putain, j'adorais regarder X-Files à cette époque-là. Donc faites ça, c'est les meilleurs souvenirs. Battez les séries en secret, bravez vos parents, frappez vos parents. Non, frappez pas vos parents, bravez juste les séries en cachette, le reste, ça peut avoir de graves conséquences. Ouais, c'est pas faux. Dexter, là, il me tarde. Et par contre, si tu veux découvrir Dexter autrement, à savoir que que la série a été adaptée d'un roman. Donc tu peux attaquer le roman et tu seras prêt comme ça pour regarder la série. D'accord, ok, je ne savais pas. Je pense que plus me penser sur les romans sera plus rapide que de me taper les 8 saisons. Et écoute, si tu as terminé ta dernière news, moi je vais attaquer la mienne. Le vendredi dernier, on était le vendredi 16, en France est sortie la troisième saison de Star Trek Discovery sur Netflix. Et le lendemain, donc le samedi 17, on nous a annoncé qu'il y allait y avoir une quatrième saison de Star Trek Discovery et la production va rentrer début novembre 2020, donc pour une sortie fin 2021. Et cette série, en fait, nous amène plein de news en cascade parce que ça n'a pas fait les gros titres, mais Star Trek The Lower Deck, qui est un dessin animé humoristique un peu à la Rick et Morty, sur Star Trek, a été renouvelé pour une saison 2 également. Que Kurtzman nous avait annoncé lors de la New York Comic Con. On le savait déjà depuis un petit moment, mais qu'il va y avoir plein d'autres séries Star Trek, donc dont Star Trek Strange Worlds qui va reprendre l'histoire un peu avant The Original Series avec le Captain Pike qui était aux commandes de l'Enterprise. On va avoir la saison 2 de Star Trek Picard qui est la suite de l'ère The Next Generation et qui est post-Nemesis et post-conséquence avec la destruction de Romulus dans le film Star Trek de 2009 qui a entamé le reboot de Kurtzman. On a eu comme annonce que Star Trek Section 31 était toujours dans les cartons, mais il va peut-être me falloir m'expliquer comment. Et on a eu également une autre news qui dit que la CBS serait très intéressée pour refaire un revival de la série Deep Space Nine, qui est ma série favorite de Star Trek. Donc voilà. Baptiste, t'es pas très belle Star Trek, je parie. C'est une série qui m'a toujours attiré, mais j'ai jamais pris le temps de la regarder. Je connais un petit peu, vraiment brièvement, les personnages, hein, mais souvent dans des parodies, des choses comme ça. Mais c'est vrai que l'univers m'attire plutôt, mais je ne sais jamais par où commencer, et du coup, je n'ai jamais commencé. Voilà, attends, je vais faire la même chose qu'on a fait pour notre ami Comet, qui est Greg, et que j'ai fait avec ton frère également, hier ou avant-hier. J'ai appris qu'il y avait mon frère, oui. Greg m'a dit qu'il y avait mon frère. Ouais, alors, quel est ton type de série ? Qu'est-ce que tu regardes comme série télé? J'aime bien les séries un peu historiques. Non. Et déjà, tu vois, historique, truc de tout ce qui est SF, j'ai pas eu tout. J'ai pas de série de SF. À part Alternate Carbone que j'ai regardé. Mais, est-ce que tu es plus aventure ou intrigue dans tes séries? Voilà, on va le résumer comme ça. Bah, je suis plus intrigue. C'est plus intrigue. Donc écoute, est-ce que tu aimes bien les vieilles séries? On va dire, quand je dis vieilles, années 90. Je te demande pas de remonter dans les années 60. Ouais, 90, ça va, ouais. Enfin, ça va, ça me dérange. Ça me dérange pas. As-tu Netflix? J'ai Netflix, effectivement. Écoute, alors je vais te faire le même conseil que Greg. Je crois qu'il n'a pas encore commencé. Donc vous pouvez vous faire un week-end à tous les deux. Commencez par regarder les Star Trek Deep Space Nine qui sont trouvables sur Netflix. C'est une série, donc Star Trek, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des histoires d'aventures dans des vaisseaux spatiaux et de gens qui se baladent dans quatre coins de la galaxie. À la différence, Deep Space Nine, eux, se concentrent uniquement sur une station spatiale. Donc, en fait, ils ne bougent pas, ils restent sur cette station spatiale et chaque connerie qu'ils font, ils sont obligés d'assumer les conséquences derrière. Et on voit toute la géopolitique globale. Et c'est peut-être une des séries les plus controversées de l'univers Star Trek parmi les fans, mais c'est aussi une des plus intéressantes pour voir la chose. À savoir que Star Trek, il y a quasiment 7 séries différentes, peut-être 6 ou 7, mais qu'on n'est pas obligé d'avoir vu tous les Star Trek pour comprendre une série. Vous pouvez commencer une série sans avoir vu une autre série auparavant. Certes, les easter eggs, vous n'avez pas épipé, mais au moins vous pouvez les regarder sans se dire il me faut me taper les 21 saisons avant de regarder cette série. Donc, pareil pour les films ou Non. Il faut un prérequis pour les films. Pour les films, il te faut un certain prérequis. Après, ça dépend de quel film tu me parles. Je pourrais pas te dire quel film il y a eu. D'accord. Alors non, parce que je sais Star Trek, qu'il y a eu des films, c'est pour ça, mais ouais, il y a Star Trek, il y a eu 11 ou 12 films au total. 12. C'est, ah oui, c'est... 12, oui. D'accord, ouais. OK. Donc les films de 1 à 6, ça va être lié sur le premier équipage de l'Enterprise, donc la suite de la série des années des années 60, donc qui est assez intéressant, à part le premier film qui a chié où j'ai jamais réussi à m'en sortir parce que ça avait vraiment le ton de la série des années 60 qui était à chier, faut dire ce qui est malheureusement. Donc La colère de Khan, à la recherche de, c'est vraiment d'excellents films. Le septième film, c'est Star Trek Génération, donc il se veut de rassembler le casting de la première série et de la deuxième série. Donc, on va dire que c'est un gros crossover qui manque pas de charme, mais qui n'est pas extraordinaire non plus. De 8 à 10, on est sur l'équipage de l'Enterprise E, donc qui est c'est la suite de la série, de la deuxième série qui s'appelle The Next Generation. Avec le très célèbre capitaine Jean-Luc Picard qui est joué par le professeur Xavier dans les premiers films des X-Men, donc Sir Patrick Stewart. C'est quand même assez drôle de le voir dans d'autres rôles et pas sur une chaise roulante. Oui. Et le film 11 et 12, c'est un reboot que J.J. Abrams a fait qui a un succès plus ou moins, ouais, c'est assez mitigé. Je peux pas dire que c'est extraordinaire parce que ce n'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas forcément mauvais. Et l'avantage que ça a eu, c'est de ramener Star Trek au premier plan. Et c'est grâce à qu'on peut avoir du Star Trek en profusion parce que le service SVOD qui était CBS All Access, qui va devenir Paramount Plus, a décidé de faire de Star Trek un fer de lance, et c'est grâce à ça qu'on a énormément de séries. Donc ouais, si les vieilles séries te dérangent pas, tu peux regarder vraiment Star Trek Deep Space Nine. C'est vraiment une très bonne série, je l'ai terminée 3 fois. Il y a quand même 7 saisons de 25 épisodes. Ah oui, 7 saisons. De quoi ? De 27 épisodes ? De 25. Ah, 25, ouais. Ok. Et c'est l'épisode de combien de temps ? C'est 20 ou 40 ? 45 minutes. Donc ouais, mais c'est vraiment une très très bonne série. Après, pour ceux qui aiment bien les nouvelles séries, Discovery est pas mal, mais ça manque de saveur Star Trek comme je les aime à l'époque. Mais graphiquement, elle est très bien comme ça. Ok, bon, c'est une information à surveiller. Je vais voir avec notre ami commun, hein, s'il veut se faire du coup cette série avec moi. Je lui ai conseillé de le faire avant de faire la partie de jeu de rôle, mais bon, on en parlera après le podcast. Sur ce, je pense qu'on est sur la fin de ce podcast d'ailleurs. Donc, du coup, je vais vous souhaiter à toutes et tous une bonne journée ou une bonne soirée. Puis on se retrouve très bientôt dans un nouveau débat comics ou un nouveau Lire en Bulle. On se retrouve très vite, à plus.